Pierre, qu'on oubliait, vit entrer un grand diable de prêtre taillé à coups de serpe, un fils de paysan encore près de la terre. Il avait de grands pieds, des mains noueuses, une face couturée et tannée, que des yeux noirs très vifs éclairaient. Robuste encore pour ses 45 ans, il ressemblait un peu à un bandit déguisé, la barbe mal faite, la soutane trop large sur ses gros os saillants. Mais la physionomie restait fière, sans rien de bas, et il portait un petit panier que des feuilles de figuier recouvraient soigneusement. Tout de suite, Santo Bono fléchit les genoux, baisa l'anneau, mais d'un geste rapide, de simple politesse usuelle. Puis, avec la familiarité respectueuse du menu peuple pour les grands, « Je demande pardon à votre éminence révérendissime d'avoir insisté. Du monde attendait, et je n'aurais pas été reçu, si mon ancien camarade Paparelli n'avait eu l'idée de me faire passer par cette porte. Oh, j'ai à solliciter de votre éminence un si grand service, un vrai service de cœur. Mais d'abord, qu'elle me permette de lui offrir un petit cadeau. » Boccanera l'écoutait gravement. Il l'avait beaucoup connu autrefois, lorsqu'il allait passer les étés à Frascati, dans la villa princière que la famille y possédait, une habitation reconstruite au XVIe siècle, un merveilleux parc, dont la terrasse célèbre donnait sur la campagne romaine, immense et nue comme la mer. Cette villa était aujourd'hui vendue, et sur des vignes, échus en partage à Benedetta, le comte Prada, avant l'instance en divorce, avait commencé à faire bâtir tout un quartier neuf de petites maisons de plaisance. Autrefois, le cardinal ne dédaignait pas, pendant ses promenades à pied, d'entrer se reposer un instant chez Santo Bono, qui desservait, en dehors de la ville, une antique chapelle consacrée à Sainte-Marie-des-Champs. Et le prêtre occupait là, contre cette chapelle, une sorte de masure à demi ruinée, dont le charme était un jardin clos de murs qu'il cultivait lui-même, avec une passion de vrai paysan. « Comme tous les ans, reprit-il en posant le panier sur la table, j'ai voulu que votre éminence goûtât mes figues. Ce sont les premières de la saison que j'ai cueillies pour elle ce matin. » Elle les aimait tant quand elle daignait les venir manger sur l'arbre, et elle voulait bien me dire qu'il n'y avait pas de figuier au monde pour en produire de pareils. » Le cardinal ne put s'empêcher de sourire. Il adorait les figues, et c'était vrai, le figuier de Santo Bono était réputé dans le pays entier. « Merci, mon cher curé, vous vous souvenez de mes petits défauts. Voyons. « Que puis-je faire pour vous ?» Il était tout de suite redevenu grave, car il y avait entre lui et le curé d'anciennes discussions, des façons de voir contraires qui le fâchaient. Santo Bono, né à Nemi, en plein pays farouche, d'une famille violente dont l'aîné était mort d'un coup de couteau, avait professé de tout temps des idées ardemment patriotiques. On racontait qu'il avait failli prendre les armes avec Garibaldi. Et le jour où les Italiens étaient entrés dans Rome, on avait dû l'empêcher de planter sur son toit le drapeau de l'unité italienne. C'était son rêve passionné, Rome maîtresse du monde, lorsque le pape et le roi, après s'être embrassés, feraient cause commune. Pour le cardinal, il y avait là un révolutionnaire dangereux, un prêtre renégat mettant le catholicisme en péril. « Oh, ce que votre éminence peut faire pour moi, ce qu'elle peut faire, si elle le daigne !» répétait Santo Bono d'une voix brûlante en joignant ses grosses mains noueuses. Puis, se ravisant, « Est-ce que son éminence, le cardinal Sanguinetti, n'a pas dit un mot de mon affaire à votre éminence sévérandissime ?»« Non, le cardinal m'a simplement prévenu de votre visite en me disant que vous aviez quelque chose à me demander. »« Et Boccanera, le visage assombri, attendit avec une sévérité plus grande. Il n'ignorait pas que le prêtre était devenu le client de Sanguinetti, depuis que ce dernier, nommé évêque suburbicaire, passait à Frascati de longues semaines. Tout cardinal, candidat à la papauté, a de la sorte, dans son ombre, des familiers infimes qui jouent l'ambition de leur vie sur son élection possible. Si les papes un jour, si eux-mêmes l'aident à le devenir, ils entreront à sa suite dans la grande famille pontificale. On racontait que Sanguinetti avait déjà tiré Santo Bono d'une mauvaise histoire. Un enfant maraudeur que celui-ci avait surpris en train d'escalader son mur et qui était mort des suites d'une correction trop rude. Mais à la louange du prêtre, il fallait pourtant ajouter que, dans son dévouement fanatique au cardinal, il entrait surtout l'espoir qu'il serait le pape attendu, le pape destiné à faire de l'Italie la grande nation souveraine. « Eh bien, voici mon malheur. Votre éminence connaît mon frère Agostino, qui a été pendant 2 ans jardinier chez elle à la villa. Certainement, c'est un garçon très gentil, très doux, dont jamais personne n'a eu à se plaindre. Alors, on ne peut pas s'expliquer de quelle façon il lui est arrivé un accident. Il a tué un homme d'un coup de couteau à Genzano, un soir qu'il se promenait dans la rue. J'en suis tout à fait contrarié. Je donnerais volontiers 2 doigts de ma main pour le tirer de prison. Et j'ai pensé que votre éminence ne me refuserait pas un certificat disant qu'elle a eu Agostino chez elle et qu'elle a été toujours très contente de son bon caractère. » Nettement, le cardinal protesta. « Je n'ai pas été content du tout d'Agostino. Il était d'une violence folle. Et j'ai dû justement le congédier parce qu'il vivait constamment en querelle avec les autres domestiques. Oh, que votre éminence me chagrine en me racontant cela! C'est donc vrai que le caractère de mon pauvre petit Agostino s'était gâté. Mais il y a moyen de faire les choses, n'est-ce pas? Votre éminence peut me donner un certificat tout de même en arrangeant les phrases. Cela produirait un si bon effet, un certificat de votre éminence devant la justice. » « Oui, sans doute, » reprit Boccanera. « Je comprends, mais je ne donnerai pas de certificat. » « Et quoi? Votre éminence révérendissime refuse ?»« Absolument. Je sais que vous êtes un prêtre d'une moralité parfaite, que vous remplissez votre saint ministère avec zèle, et que vous seriez un homme tout à fait recommandable, sans vos idées politiques. Seulement, votre affection fraternelle vous égare. Je ne puis mentir pour vous être agréable. » Santo Bono le regardait, stupéfié, ne comprenant pas qu'un prince, un cardinal tout-puissant, s'arrêtât à de si pauvres scrupules lorsqu'il s'agissait d'un coup de couteau, l'affaire la plus banale, la plus fréquente, en ces pays encore sauvages des châteaux romains. « Mentir, mentir !» murmura-t-il. « Ce n'est pas mentir que de dire le bon uniquement, quand il y en a. Et tout de même, Agostino a du bon. Dans un certificat, ça dépend des choses qu'on écrit. » Il s'entêtait à cet arrangement. Il ne lui entrait pas dans la tête qu'on pût refuser de convaincre la justice par une ingénieuse façon de présenter les choses. Puis, quand il fut certain qu'il n'obtiendrait rien, il eut un geste désespéré. Sa face terreuse prit une expression de violente rancune, tandis que ses yeux noirs flambaient de colère contenue. « Bien, bien, chacun voit la vérité à sa manière. Je vais retourner dire ça à son éminence, le cardinal Sanguinetti. Et je prie votre éminence révérendissime de ne pas m'en vouloir si je l'ai dérangé inutilement. Peut-être que les figues ne sont pas très mûres, mais je me permettrai d'en rapporter un panier encore vers la fin de la saison, lorsqu'elles sont tout à fait bonnes et sucrées. Mille grâces et mille bonheurs à votre éminence révérendissime. » Il s'en allait à reculons, avec des saluts qui pliaient en deux sa grande taille osseuse. Et Pierre, qui s'était intéressé vivement à la scène, retrouvait en lui le petit clergé de Rome et des environs dont on lui avait parlé avant son voyage. Ce n'était pas le Scagnozzo, le prêtre misérable, affamé, venu de la province à la suite de quelques fâcheuses aventures, tombé sur le pavé de Rome en quête du pain quotidien. Une tourbe de mendiants en soutane, cherchant fortune dans les miettes de l'église, se disputant voracement les messes de hasard, se coudoyant avec le bas-peuple au fond des cabarets les plus mal famés. Ce n'était pas non plus le curé des campagnes lointaines, d'une ignorance totale, d'une superstition grossière, paysan avec le paysan, traité d'égal à égal par ses ouailles, qui, très pieuses, ne le confondaient jamais avec le bon Dieu, à genoux devant le saint de la paroisse, mais pas devant l'homme qui vivait devant lui. À Frascati, le desservant d'une petite église pouvait toucher 900 francs, et il ne dépensait que le pain et la viande, s'il récoltait le vin, les fruits, les légumes de son jardin. Celui-ci n'était pas sans instruction, savait un peu de théologie, un peu d'histoire, surtout cette histoire de la grandeur passée de Rome, qui avait enflammé son patriotisme du rêve fou de la prochaine domination universelle réservée à la Rome renaissante, capitale de l'Italie. Mais quelle infranchissable distance encore entre ce petit clergé romain, souvent très digne et intelligent, et le haut clergé, les hauts dignitaires du Vatican. Tout ce qui n'était pas au moins prélat n'existait point. « Mille grâces à votre éminence révérendissime, et que tout lui réussisse dans ses désirs !» Lorsque Santo Bono eut enfin disparu, le cardinal revint à Pierre, qui s'inclinait, lui aussi, pour prendre congé. « En somme, monsieur l'abbé, l'affaire de votre livre me paraît mauvaise. Je vous répète que je ne sais rien de précis, que je n'ai pas vu le dossier. » Mais n'ignorant pas que ma nièce s'intéressait à vous, j'en ai dit un mot au cardinal Sanguinetti, le préfet de l'Index, qui était justement ici tout à l'heure. Et lui-même n'est guère plus au courant que moi, car rien n'est encore sorti des mains du secrétaire. Seulement, il m'a affirmé que la dénonciation venait de personnes considérables, d'une grande influence, et qu'elle portait sur des pages nombreuses, où l'on aurait relevé les passages les plus fâcheux, tant au point de vue de la discipline qu'au point de vue du dogme. Très ému à cette pensée d'ennemi caché, le poursuivant dans l'ombre, le jeune prêtre s'écria « Oh ! Dénoncer ! Dénoncer ! Si votre éminence savait combien ce mot me gonfle le cœur ! Et dénoncer pour des crimes à coup sûr involontaires, puisque j'ai voulu uniquement ardemment le triomphe de l'Église. C'est donc aux genoux du Saint-Père que je vais aller me jeter et me défendre. » Boccanera, brusquement, se redressa. Un pli dur avait coupé son grand front. « Sa sainteté peut tout, même vous recevoir, si tel est son bon plaisir, et vous absoudre. Mais écoutez-moi, je vous conseille encore de retirer votre livre de vous-même, de le détruire simplement et courageusement, avant de vous lancer dans une lutte où vous aurez la honte d'être brisé. Enfin, réfléchissez. » Immédiatement, Pierre s'était repenti d'avoir parlé de sa visite au pape, car il sentait une blessure pour le cardinal dans cet appel à l'autorité souveraine. D'ailleurs, aucun doute n'était possible. Celui-ci serait contre son œuvre. Il n'espérait plus que faire peser sur lui par son entourage en le suppliant de rester neutre. Il l'avait trouvé très net, très franc, au-dessus des obscures intrigues qu'il commençait à deviner autour de son livre. Et ce fut avec respect qu'il le salua. « Je remercie infiniment votre éminence. et je lui promets de penser à tout ce qu'elle vient d'avoir l'extrême bonté de me dire. » Pierre, dans l'antichambre, vit 5 ou 6 personnes qui s'étaient présentées pendant son entretien et qui attendaient. Il y avait là un évêque, un prélat, 2 vieilles dames. Et comme il s'approchait de Don Vigilio, avant de se retirer, il eut la vive surprise de le trouver en conversation avec un grand jeune homme blond, un Français, qui s'écria, saisi lui aussi d'étonnement. « Comment ? Vous ici, monsieur l'abbé ? Vous êtes à Rome ?» Le prêtre avait eu une seconde d'hésitation. « Ah ! Monsieur Narcisse Habert ! Je vous demande pardon, je ne vous reconnaissais pas. Et je suis vraiment impardonnable, car je savais que vous étiez, depuis l'année dernière, attaché à l'ambassade. » Mince, élancé, très élégant, Narcisse, avec son teint pur, ses yeux d'un bleu pâle, presque mauve, sa barbe blonde, finement frisée, portait ses cheveux blonds, bouclés, coupés sur le front à la florentine. D'une famille de magistrats, très riche, et d'un catholicisme militant, il avait un oncle dans la diplomatie, ce qui avait décidé de sa destinée. Sa place, d'ailleurs, se trouvait toute marquée à Rome, où il comptait de puissantes parentés. Neveu par alliance du cardinal Sarno, dont une sœur avait épousé à Paris un notaire, son oncle, cousin germain de Monsignore Gamba del Zoppo, camérier secret participant, fils d'une de ses tantes, marié en Italie à un colonel. Et c'était ainsi qu'on l'avait attaché à l'ambassade, près du Saint-Siège, où l'on tolérait ses allures un peu fantasques, sa continuelle passion d'art, qui le promenait en flânerie sans fin au travers de Rome. Il était du reste fort aimable, d'une distinction parfaite. Avec cela, très pratique au fond, connaissant à merveille les questions d'argent. Et il lui arrivait même parfois, comme ce matin-là, de venir, de son air las et un peu mystérieux, causer chez un cardinal d'une affaire sérieuse au nom de son ambassadeur. Tout de suite, il emmena Pierre dans la vaste embrasure d'une des fenêtres pour l'y entretenir à l'aise. « Ah, mon cher abbé, que je suis donc content de vous voir! Vous vous souvenez de nos bonnes causeries quand nous nous sommes connus chez le cardinal Bergerot? Je vous ai indiqué pour votre livre des tableaux à voir, des miniatures du XIVe siècle et du XVe. Et vous savez que dès aujourd'hui, je m'empare de vous. Je vous fais visiter Rome comme personne ne pourrait le faire. J'ai tout vu, tout fouillé. Oh, des trésors, des trésors! Mais au fond, il n'y a qu'une œuvre. On en revient toujours à sa passion. Le Botticelli de la chapelle Sixtine. Ah, le Botticelli! » Sa voix se mourait. Il eut un geste brisé d'admiration. Et Pierre dut promettre de s'abandonner à lui, d'aller avec lui à la chapelle Sixtine. « Vous ignorez sans doute pourquoi je suis ici ?» dit enfin ce dernier. « On poursuit mon livre. On l'a dénoncé à la congrégation de l'index. »« Votre livre ? Pas possible !» s'écria Narcisse. « Un livre dont certaines pages rappellent le délicieux Saint-François d'Assise. » Obligeamment, alors, il se mit à sa disposition. « Mais dites donc, notre ambassadeur va vous être très utile. C'est l'homme le meilleur de la terre, et d'une affabilité charmante, et plein de la vieille bravoure française. Cet après-midi, ou demain matin, au plus tard, je vous présenterai à lui. Et puisque vous désirez avoir immédiatement une audience du pape, il tâchera de vous l'obtenir. Cependant, je dois ajouter que ce n'est pas toujours commode. » Le Saint-Père a beau l'aimer beaucoup, il échoue parfois, tellement les approches sont compliquées. Pierre, en effet, n'avait pas songé à employer l'ambassadeur, dans son idée naïve qu'un prêtre accusé, qui venait se défendre, voyait toutes les portes s'ouvrir d'elles-mêmes. Il fut ravi de l'offre de Narcisse. Il le remercia vivement, comme si déjà l'audience était obtenue. Puis, continua le jeune homme, si nous rencontrons quelques difficultés, vous n'ignorez pas que j'ai des parents au Vatican. Je ne parle pas de mon oncle, le cardinal, qui ne nous serait d'utilité aucune, car il ne bouge jamais de son bureau de la propagande. Il se refuse à toute démarche. Mais mon cousin, Monsignore Gamba del Zoppo, est un homme obligeant qui vit dans l'intimité du pape, dont son service le rapproche à toute heure. Et s'il le faut, je vous mènerai à lui. Il trouvera le moyen sans doute de vous ménager une entrevue, bien que sa grande prudence lui fasse craindre parfois de se compromettre. Allons, c'est entendu. Confiez-vous à moi en tout et pour tout. Ah, cher monsieur, s'écria Pierre, soulagé, heureux. J'accepte de grand cœur, et vous ne savez pas quel baume vous m'apportez. Car depuis que je suis ici, tout le monde me décourage. Vous êtes le premier qui me rendiez quelque force en traitant les choses à la française. Baissant la voix, il lui conta son entrevue avec le cardinal Boccanera. Sa certitude de n'être aidé par lui en rien, les nouvelles fâcheuses données par le cardinal Sanguinetti, enfin la rivalité qu'il avait sentie entre les deux cardinaux. Narcisse l'écoutait en souriant, et lui aussi s'abandonna au commérage et aux confidences. Cette rivalité, cette dispute prématurée de la tiare, dans leur furieux désir à tous les deux, révolutionnait le monde noir depuis longtemps. Il y avait des dessous d'une complication incroyable. Personne n'aurait pu dire exactement qui conduisait la vaste intrigue. En gros, on savait que Boccanera représentait l'intransigeance, le catholicisme dégagé de tout compromis avec la société moderne, attendant, immobile, le triomphe de Dieu sur Satan, le royaume de Rome rendu au Saint-Père, l'Italie repentante faisant pénitence de son sacrilège. Tandis que Sanguinetti, très souple, très politique, passait pour nourrir des combinaisons aussi nouvelles que hardies, une sorte de fédération républicaine de tous les anciens petits États italiens mise sous le protectorat auguste du pape. En somme, c'était la lutte entre les deux conceptions opposées. L'une qui veut le salut de l'Église par le respect absolu de l'antique tradition, l'autre qui annonce sa mort fatale si elle ne consent pas à évoluer avec le siècle futur. Mais tout cela se noyait d'un tel inconnu que l'opinion finissait par être que, si le pape actuel vivait encore quelques années, ce ne serait sûrement ni Boccanera ni Sanguinetti qui lui succéderaient. Brusquement, Pierre interrompit Narcisse. Et Monsignor et Nanni, le connaissez-vous? J'ai causé avec lui hier soir. Tenez, le voici qui vient d'entrer. En effet, Nanni entrait dans l'antichambre, avec son sourire, sa face rose de prélat aimable. Sa soutane fine, sa ceinture de soie violette, luisaient d'un luxe discret et doux. Et il se montrait très courtois à l'égard de l'abbé Paparelli lui-même, qui l'accompagnait humblement en le suppliant de vouloir bien attendre que son éminence pût le recevoir. « Oh !» murmura Narcisse, devenu sérieux. « Monsignor Nanni est un homme dont il faut être l'ami. » Il savait son histoire. Il la conta à demi-voix. Né à Venise, d'une famille noble ruinée, qui avait compté des héros, Nanni, après avoir fait ses premières études chez les jésuites, vint à Rome étudier la philosophie et la théologie au collège romain que les jésuites tenaient. Ordonné prêtre à 23 ans, il avait tout de suite suivi un nonce en Bavière à titre de secrétaire particulier. Et de là, il était allé, comme auditeur de nonciature, à Bruxelles, puis à Paris, qu'il avait habité pendant 5 ans. Tout semblait le destiner à la diplomatie. Ses brillants débuts, son intelligence vive, une des plus vastes et des plus renseignées qui pût être. Lorsque, brusquement, il fut rappelé à Rome, où, presque tout de suite, on lui confia la situation d'assesseur du Saint-Office. On prétendit alors que c'était là un désir formel du pape, qui, le connaissant bien, voulait avoir au Saint-Office un homme à lui. L'avait fait revenir en disant qu'il rendrait beaucoup plus de service à Rome que dans une nonciature. Déjà prélat domestique, Nanni était depuis peu chanoine de Saint-Pierre et protonotaire apostolique participant, en passe de devenir cardinal le jour où le pape trouverait un autre assesseur favori qui lui plairait davantage. « Oh, Monsignor et Nanni, continua Narcisse, un homme supérieur qui connaît admirablement son Europe moderne, et avec cela un très saint prêtre, un croyant sincère, d'un dévouement absolu à l'Église, d'une foi solide de politique avisée. Différent, il est vrai, de l'étroite et sombre foi théologique telle que nous la connaissons en France. » C'est pourquoi il vous sera difficile d'abord de comprendre ici les gens et les choses. Il laisse Dieu dans le sanctuaire, il règne en son nom, convaincu que le catholicisme est l'organisation humaine du gouvernement de Dieu, la seule parfaite et éternelle, en dehors de laquelle il n'y a que mensonge et que danger social. Pendant que nous nous attardons encore dans nos querelles religieuses, à discuter furieusement sur l'existence de Dieu, eux n'admettent pas que cette existence puisse être mise en doute, puisqu'ils sont les ministres délégués par Dieu. Et ils sont uniquement à leur rôle de ministre qu'on ne saurait déposséder, exerçant le pouvoir pour le plus grand bien de l'humanité, employant toute leur intelligence, toute leur énergie, à rester les maîtres acceptés des peuples. Songez qu'un homme comme Monsignor et Nanni, après avoir été mêlé à la politique du monde entier, est depuis 10 ans à Rome, dans les fonctions les plus délicates, mêlé aux affaires les plus diverses et les plus importantes. Il continue à voir l'Europe entière qui défile à Rome, connaît tout, a la main dans tout, et avec cela, admirablement discret et aimable, d'une modestie qui semble parfaite, sans qu'on puisse dire s'il ne marche point, de son pas si léger, à la plus haute ambition, à la tiare souveraine. Encore un candidat à la papauté, pensa Pierre, qui avait écouté passionnément, car cette figure de Nanni l'intéressait, lui causait une sorte de trouble instinctif, comme s'il avait senti, derrière le visage rosé et souriant, tout un infini redoutable. D'ailleurs, il comprit mal les explications de son ami. Il retomba à l'effarement de son arrivée dans ce monde nouveau, dont l'inattendu bouleversait ses prévisions. Mais Monsignor et Nanni avaient aperçu les deux jeunes gens, et ils s'avançaient, la main tendue, très cordiale. Ah, monsieur l'abbé Froment, je suis heureux de vous revoir, et je ne vous demande pas si vous avez bien dormi, car on dort toujours bien à Rome. Bonjour, monsieur Habert, votre santé est bonne depuis que je vous ai rencontré devant la Sainte Thérèse du Bernin que vous admirez tant. Et je vois que vous vous connaissez tous les deux. C'est charmant. Monsieur l'abbé, je vous dénonce en monsieur Habert, un des passionnés de notre ville, qui vous mènera dans les beaux endroits. » Puis, de son air affectueux, il voulut tout de suite être renseigné sur l'entrevue de Pierre et du cardinal. Il en écouta très attentivement le récit, hochant la tête à certains détails, réprimant parfois son fin sourire. L'accueil sévère du cardinal, la certitude où était le prêtre de ne trouver près de lui aucune aide, ne l'étonna nullement, comme s'il s'était attendu à ce résultat. Mais, au nom de Sanguinetti, En apprenant qu'il était venu le matin et qu'il avait déclaré l'affaire du livre très grave, il parut s'oublier un instant. Il parla avec une soudaine vivacité. « Que voulez-vous, mon cher fils? Je suis arrivé trop tard. À la première nouvelle des poursuites, j'ai couru chez son éminence, le cardinal Sanguinetti, pour lui dire qu'on allait faire à votre œuvre une réclame immense. Voyons, est-ce raisonnable? À quoi bon? Nous savons que vous êtes un peu exalté, l'âme enthousiaste et prompte à la lutte. Nous serions bien avancés si nous nous mettions sur les bras la révolte d'un jeune prêtre qui pourrait partir en guerre contre nous avec un titre dont on a déjà vendu des milliers d'exemplaires. Moi, d'abord, je voulais qu'on ne bougeât pas. Et je dois dire que le cardinal, qui est un homme d'esprit, pensait comme moi. Il a levé les bras au ciel, il s'est emporté en criant qu'on ne le consultait jamais, que maintenant la sottise était faite et qu'il était absolument impossible d'arrêter le procès, du moment que la congrégation se trouvait saisie à la suite des dénonciations les plus autorisées lancées pour les motifs les plus graves. Enfin, comme il le disait, la sottise était faite et j'ai dû songer à autre chose. » Mais il s'interrompit. Il venait d'apercevoir les yeux ardents de Pierre fixés sur les siens, tâchant de comprendre. Une imperceptible rougeur rosa son teint davantage, tandis que, très à l'aise, il continuait, sans laisser voir sa contrariété d'en avoir trop dit. « Oui, j'ai songé à vous aider de toute ma faible influence pour vous tirer des ennuis où cette affaire va sûrement vous mettre. » Un souffle de rébellion souleva Pierre, dans la sensation obscure qu'on se jouait de lui peut-être. Pourquoi donc n'aurait-il pas affirmé sa foi, qui était si pure, si dégagée de tout intérêt personnel, si brûlante de charité chrétienne? « Jamais, déclara-t-il, je ne retirerai, je ne supprimerai moi-même mon livre, comme on me le conseille. Ce serait une lâcheté et un mensonge. Car je ne regrette rien, je ne désavoue rien. Si je crois que mon œuvre apporte un peu de vérité, je ne puis la détruire, sans être criminel envers moi-même et envers les autres. Jamais, entendez-vous, jamais. » Il y eut un silence, et il reprit presque aussitôt. « C'est aux genoux du Saint-Père que je veux faire cette déclaration. Il me comprendra, il m'approuvera. » Nanni ne souriait plus, la figure immobile et comme fermée désormais. Il sembla étudier curieusement la subite violence du prêtre, qu'il s'efforça ensuite de calmer par sa bienveillance tranquille. « Sans doute, sans doute. L'obéissance et l'humilité ont de grandes douceurs. Mais, enfin, je comprends que vous vouliez causer avant tout avec sa sainteté. Ensuite, n'est-ce pas, vous verrez, vous verrez. » Et de nouveau, il s'intéressa beaucoup à la demande d'audience. Vivement, il regrettait que Pierre n'eût pas lancé cette demande de Paris même avant son arrivée à Rome. C'était la plus sûre façon de la faire agréer. Au Vatican, on n'aimait guère le bruit, et pour peu que la nouvelle de la présence du jeune prêtre se répandît, pour peu qu'on causât des motifs qui l'amenaient, tout allait être perdu. Mais lorsque Nanni sut que Narcisse s'était offert pour présenter Pierre à l'ambassadeur de France près du Saint-Siège, il parut pris d'inquiétude. Il se récria « Non, non, ne faites pas cela, ce serait de la dernière imprudence. D'abord, vous courez le risque de gêner monsieur l'ambassadeur, dont la situation est toujours délicate en ces sortes d'affaires. « Puis, s'il échouait, et ma crainte est qu'il n'échoue, oui, s'il échouait, ce serait fini, vous n'auriez plus la moindre chance d'obtenir, d'autre part, l'audience demandée, car on ne voudrait pas infliger à monsieur l'ambassadeur la petite blessure d'amour-propre d'avoir cédé à une autre influence que la sienne. » Anxieusement, Pierre regarda Narcisse qui hochait la tête, l'air gêné, hésitant. « En effet, » finit par murmurer ce dernier, « Nous avons demandé dernièrement, pour un personnage politique français, une audience qui a été refusée, et cela nous a été fort désagréable. Monseigneur a raison. Il faut réserver notre ambassadeur, ne l'employer que lorsque nous aurons épuisé les autres moyens d'approche. Et voyant le désappointement de Pierre, il reprit avec son obligeance. Notre première visite sera donc pour mon cousin au Vatican. Étonné, l'attention éveillée de nouveau, Nanni regarda le jeune homme. Au Vatican? Vous y avez un cousin? Mais oui, Monsignor Gamba del Zoppo. Gamba. Gamba. Oui, excusez-moi, je me souviens. Ah, vous avez songé à Gamba pour agir près de sa sainteté. Sans doute, c'est une idée. Il faut voir, il faut voir. Plusieurs fois, il répéta la phrase pour se donner le temps de voir lui-même, de discuter intérieurement l'idée. Monsignor et Gamba del Zoppo était un brave homme, sans rôle aucun, dont la nullité avait fini par être légendaire au Vatican. Il amusait de ses commérages le pape, qu'il flattait beaucoup, et qui aimait se promener à son bras dans les jardins. C'était pendant ses promenades qu'il obtenait à l'aise toutes sortes de petites faveurs. Mais il était d'une poltronnerie extraordinaire, et il craignait à un tel point de compromettre son influence qu'il ne risquait pas une sollicitation sans s'être longuement assuré qu'il ne pouvait en résulter pour lui aucun tort. « Hé, mais l'idée n'est pas mauvaise !» déclara enfin Nanni. « Oui, Gamba pourra vous obtenir l'audience s'il le veut bien. Je le verrai moi-même, je lui expliquerai l'affaire. » Pour conclure, d'ailleurs, il se répandit en conseils d'extrême prudence. Il osa dire qu'il lui semblait sage de se méfier beaucoup de l'entourage du pape. Hélas, oui, sa sainteté était si bonne, croyait si aveuglément au bien qu'elle n'avait pas toujours choisi ses familiers avec le soin critique qu'elle aurait dû y mettre. Jamais on ne savait à qui l'on s'adressait, ni dans quel piège on pouvait poser le pied. Même, il donna à entendre qu'il ne fallait, à aucun prix, s'adresser directement à son éminence le secrétaire d'État, parce qu'elle-même n'était pas libre, se trouvait au centre d'un foyer d'intrigue dont la complication le paralysait dans ses meilleures volontés. Et à mesure qu'il parlait ainsi, très doucement, avec une onction parfaite, le Vatican apparaissait comme un pays gardé par des dragons jaloux et traîtres. Un pays où l'on ne devait point franchir une porte, risquer un pas, hasarder un membre, sans s'être soigneusement assuré d'avance qu'on n'y laisserait pas le corps entier. Pierre continuait à l'écouter, glacé de plus en plus, retombé à l'incertitude. « Mon Dieu ! » cria-t-il. « Je ne vais pas savoir me conduire. Ah, vous me découragez, monseigneur !» Nanni retrouva son sourire cordial. « Moi, mon cher fils, j'en serai désolé. Je veux seulement vous répéter d'attendre, de réfléchir. Surtout pas de fièvre. Rien ne presse, je vous le jure. » Car on a choisi seulement hier un consulteur pour faire le rapport sur votre livre, et vous avez devant vous un bon mois. Évitez tout le monde, vivez sans qu'on sache que vous existez. Visitez Rome en paix, c'est la meilleure façon d'avancer vos affaires. » Et prenant une main du prêtre, dans ses deux mains aristocratiques, grasses et douces, « Vous pensez bien que j'ai mes raisons pour vous parler ainsi. Moi-même, je me serais offert, j'aurais tenu à honneur de vous conduire tout droit à sa sainteté. Seulement, je ne veux pas m'en mêler encore. Je sens trop qu'à cette heure, ce serait de la mauvaise besogne. Plus tard, vous entendez, plus tard. Dans le cas où personne n'aurait réussi, ce sera moi qui vous obtiendrai une audience. Je m'y engage formellement. Mais en attendant, je vous en prie, évitez de prononcer les mots de religion nouvelle, qui sont malheureusement dans votre livre, et que je vous ai entendu dire encore hier soir. Il ne peut y avoir de religion nouvelle, mon cher fils. Il n'y a qu'une religion éternelle, sans compromis ni abandon possible, la religion catholique, apostolique et romaine. De même, laissez vos amis de Paris où ils sont. Ne comptez pas trop sur le cardinal Bergerot, dont la haute piété n'est pas appréciée suffisamment à Rome. Je vous assure que je vous parle en ami. » Puis, le voyant désemparé, à moitié brisé déjà, ne sachant plus par quel côté il devait commencer la campagne, il le réconforta de nouveau. « Allons, allons, tout s'arrangera, tout finira le mieux du monde, pour le bien de l'Église et pour votre propre bien. Et je vous demande pardon, mais je vous quitte. Je ne verrai pas son éminence aujourd'hui, car il m'est impossible d'attendre davantage. » L'abbé Paparelli, que Pierre avait cru voir rôder derrière eux, l'oreille aux aguets, se précipita, jura à Monsignor Nani qu'il n'y avait plus avant lui que deux personnes. Mais le prélat donna l'assurance très gracieusement qu'il reviendrait. L'affaire dont il avait à entretenir son éminence ne pressant en aucune façon. Et il se retira, avec des saluts courtois pour tous. Presque aussitôt, le tour de Narcisse vint. Avant d'entrer dans la salle du trône, il serra la main de Pierre. Il répéta « Alors, c'est entendu, j'irai demain au Vatican voir mon cousin. Et dès que j'aurai une réponse quelconque, je vous la ferai connaître. À bientôt !» Il était midi passé. Il ne restait plus là qu'une des deux vieilles dames qui semblait s'être endormie. À sa petite table de secrétaire, Don Vigilio écrivait toujours de son écriture menue sur les immenses feuilles de son papier jaune. Et de temps à autre seulement, ses regards noirs se levaient du papier, comme pour s'assurer, dans sa continuelle défiance, que rien ne le menaçait. Sous le morne silence qui retomba, Pierre resta un moment encore, immobile, au fond de la vaste embrasure de fenêtres. Ah, que son pauvre être d'enthousiaste et de tendre était anxieux. En quittant Paris, il avait vu les choses si simples, si naturelles. On l'accusait injustement, et il partait pour se défendre. Il arrivait, se jetait aux genoux du pape, qui l'écoutait avec indulgence. Est-ce que le pape n'était pas la religion vivante, l'intelligence qui comprend ? La justice qui fait la vérité. Et n'était-il pas avant tout le Père, le délégué de l'infini pardon, de la divine miséricorde, dont les bras restaient tendus à tous les enfants de l'Église, même aux coupables? Est-ce qu'il ne devait pas laisser grande ouverte sa porte pour que les plus humbles de ses fils pussent entrer dire leur peine, avouer leur faute, expliquer leur conduite à la source de l'éternelle bonté? Et dès le premier jour de son arrivée, les portes se fermaient violemment, il tombait dans un monde hostile, semé d'embûches, barré de gouffres. Tous lui criaient casse-cou, comme s'il courait les dangers les plus graves en y hasardant le pied. Voir le pape devenait une prétention exorbitante, une affaire de réussite si difficile qu'elle mettait en branle les intérêts, les passions, les influences du Vatican entier. Et c'était des conseils sans fin, des habiletés discutées longuement, des tactiques de généraux menant une armée à la victoire, des complications sans cesse renaissantes au milieu de mille intrigues dont on devinait par-dessous l'obscur pullulement. Ah, grand Dieu! Que tout cela était différent de l'accueil charitable attendu, la maison du pasteur ouverte sur le chemin à toutes les ouailles, les dociles et les égarés. Ce qui commençait à effrayer Pierre, c'était ce qu'il sentait de méchant, s'agiter confusément dans l'ombre. Le cardinal Bergerot suspecté, traité de révolutionnaire, si compromettant qu'on lui conseillait de ne plus le nommer. Il revoyait la moue de mépris du cardinal Boccanera parlant de son collègue. Et Monsignor Ennani qui l'avertissait de n'avoir plus à prononcer les mots de religion nouvelle. Comme s'il n'était pas clair pour tous que ces mots signifiaient le retour du catholicisme à la pureté primitive du christianisme. Était-ce donc là un des crimes dénoncés à la congrégation de l'index? Ces dénonciateurs, ils finissaient par les soupçonner, et ils prenaient peur, car il avait maintenant conscience autour de lui d'une attaque souterraine, d'un vaste effort pour l'abattre et supprimer son œuvre. Tout ce qui l'entourait lui devenait suspect. Il allait se recueillir pendant quelques jours, regarder et étudier ce monde noir de Rome, si imprévu pour lui. Mais, dans la révolte de sa foi d'apôtre, il se faisait le serment, ainsi qu'il l'avait dit, de ne céder jamais, de ne rien changer, pas une page, pas une ligne à son livre, qu'il maintiendrait au grand jour comme l'inébranlable témoignage de sa croyance. Même condamné par l'index, il ne se soumettrait pas, il ne retirerait rien. Et s'il le fallait, il sortirait de l'Église. Il irait jusqu'au schisme, continuant de prêcher la religion nouvelle, écrivant un second livre, La Rome vraie, tel que, vaguement, il commençait à la voir. Cependant, Don Virgilio avait cessé d'écrire. Et il regardait Pierre d'un regard si fixe que celui-ci finit par s'approcher poliment pour prendre congé. Malgré sa crainte, cédant à un besoin de confidence, le secrétaire murmura « Vous savez qu'il est venu pour vous seul. Il voulait connaître le résultat de votre entrevue avec son éminence. » Le nom de Monsignor Ennani n'eut pas même besoin d'être prononcé entre eux. « Vraiment ? Vous croyez ? Oh, c'est hors de doute. Et si vous écoutiez mon conseil, vous agiriez sagement en faisant tout de suite de bonne grâce ce qu'il désire de vous, car il est absolument certain que vous le ferez plus tard. » Cela acheva de troubler et d'exaspérer Pierre. Il s'en alla avec un geste de défi. On verrait bien s'il obéissait. Et les trois antichambres qu'il traversa de nouveau lui parurent plus noires, plus vides et plus mortes. Dans la seconde, l'abbé Paparelli le salua d'une petite révérence muette. Dans la première, le valet ensommeillé ne sembla pas même le voir. Sous le baldaquin, une araignée filait sa toile entre les glands du grand chapeau rouge. N'aurait-il pas mieux valu mettre la pioche dans tout ce passé pourrissant, tombant en poudre, pour que le soleil entrât librement et rendît au sol purifié une fécondité de jeunesse?